Bouffon, je suis dans le truc avec mes gars. Ils ont qu'à poser la fond. Charmon, flingue, ça m'est égal. Insta animal, puis le cordon ombilical. On pète les cervicales, d'après le constat médical. Rentrer dans ton diex, personne t'a checké. Les darons du quartier, mort, tu as checké. Je blanchis mon argent, je lui mets du choco. Je blanchis mon argent, je lui mets du choco. J'ai lu mon avenir dans la cuisine, dans la résine. J'ai réussi, j'en ai fait du tort. Je fais des showcases pendant que tu dors. Du cannabis dans un gros sac. Tu sais déjà que c'est une transac. Un mec dans la poche du costard. Je vais aller bronzer sur un transac. Maman, maman, maman, cosa. Pardon pour le mal j'ai causé. Mon corrosif n'a pas percé. Je dors sur un lit qui est superposé. Mon écran, mon égo, mon loco. Dans cette suite on est bloqué. Pour toi je paierai l'avocat. Je ne te laisserai pas tomber comme Touki. Touki, Touki, Touki, Touki. Pour toi je paierai l'avocat. Je ne te laisserai pas tomber comme Touki. Mon écran, mon égo, mon loco. Dans cette suite on est bloqué. Toi je paierai l'avocat, je ne te laisserai pas tomber comme Touki. Touki, Touki, Touki, Touki. Pour toi je paierai l'avocat, je ne te laisserai pas tomber comme Touki. Elle est bonne et tu veux, elle va tapiner. Ramène-moi des sous, va bouger ton dîner. Charbonné, ganté, y'a pas d'apiné. Sale mangeur de bière, t'as le flot lapiné. Oh Manu le coq, oh Manu le coq. J'ai de la tube dans le froc. Toujours pas vendu mon glock, mon état d'esprit est glauque. Assis, périph, je suis dans l'excès. La bague des briefs veut m'arrêter. Le rap, je suis comme un diplomate. Personne ne pourra m'arrêter. Mon succès n'est que mérité. Je gère toutes les sonorités. Quand on s'est fait sur le raté. Vite, y'a des contrats précarité. Oui. Du cannabis dans un gros sac. Tu sais déjà que c'est une transac. Un mec dans la poche du costard. Je vais aller bronzer sur un transac. Maman, maman, maman, cosa. Pardon pour le mal j'ai causé. Mon corrosif n'a pas percé. Je dors sur un lit qui est superposé. Mon écran, mon égo, mon loco. Dans cette suite on est bloqué. Pour toi je paierai l'avocat. Je ne te laisserai pas tomber comme Touki. Touki, Touki, Touki, Touki. Pour toi je paierai l'avocat. Je ne te laisserai pas tomber comme Touki. Mon écran, mon égo, mon loco. Dans cette suite on est bloqué. Pour toi je paierai l'avocat. Je ne te laisserai pas tomber comme Touki. Touki, Touki, Touki, Touki. Pour toi je paierai l'avocat. Je ne te laisserai pas tomber comme Touki. Mon égo, mon rebeu, mon loco. Loco del loco.